L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonsoir, très heureux de vous retrouver en ce mercredi sur l'antenne de RGB, votre émission se tant attendue chaque mois. Pour précision, cette émission sera également rediffusée ce samedi prochain de 9h à 10h sur l'antenne de votre radio locale et disponible ensuite en podcast sur le site internet à la bonne adresse le www.radio-rgb.net. Invité de notre émission de ce 13 février, Jean-Joël Le Chapelain, directeur de l'Apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise, avec qui eh bien, nous réalisons cette émission. Bonsoir. Bonsoir. Invité en studio, Séverine Chavrier, metteuse en scène, metteur en scène, je ne sais pas s'il faut mettre pour le coup le féminin sous une forme ou sous une autre, parce que selon les artistes, eh bien, les deux sont possibles aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour Séverine. On ne sait pas, on ne sait jamais. Si. On parlera en votre compagnie assurément d'un spectacle à voir à l'affiche de l'Apostrophe d'ici quelques jours. Plage ultime, nous réservons la surprise. Autre invité qui interviendra dans cette émission, Laurent Vacher, metteur en scène de Lost in the Supermarket. Nous l'avons enregistré il y a tout juste de cela 24 heures sur l'antenne de RGB. Nous allons commencer par cette rencontre. Prochainement, à l'affiche. Lost in the Supermarket, texte de Philippe Malone, mise en scène Laurent Vacher de la compagnie du Bredin. Un spectacle qui sera à l'affiche bien à quatre occasions puisqu'il s'est glissé une supplémentaire. Donc les dates, c'est le mardi 19 février 20h30, mercredi 20 février 20h30, jeudi 21 février à 19h30, attention, et la supplémentaire qui se glisse dans cette programmation, c'est le vendredi 22 février à 19h. Ça se produira au Théâtre des Arts à Cergy Centre, rencontre téléphonique, mais belle rencontre avec Laurent Vacher qui nous donne l'envie assurément d'aller découvrir cette création. Il s'agit du spectacle Lost in the Supermarket. Ouais. Peut-être avant de parler de ce spectacle, peut-être nous parler du travail, de la relation de travail que vous avez avec l'auteur Philippe Malone, parce que je crois qu'elle existe depuis maintenant pas mal d'années. 1998, ai-je vu ? Tout à fait. Avec Philippe, on s'est rencontrés dans un festival sur les écritures contemporaines à Pont-à-Mousson, la Mousson d'été. Et j'ai proposé à Philippe de me suivre dans des aventures territoriales, notamment en Lorraine, à Forbach, à Froire, et puis maintenant à Mansuel, au Til. Et notamment de faire tout un travail à la fois de création, mais aussi de prospection, de témoignages divers, et de rencontres avec différentes personnes, allant aussi bien des compagnons du Maüs, à Forbach, d'anciennes ouvrières de la sidérurgie à Froire, ou d'habitants, entre guillemets, ce qu'on va dire Languedin, même si le terme n'est pas très joli, au Til. Et le travail qu'on fait avec Philippe, c'est à la fois, à chaque fois, c'est un travail de à partir d'interview, et puis Philippe lui fait tout un travail de réécriture, quoi. Mmh. Voilà. Alors, c'est le fruit d'une réflexion commune entre vous, le metteur en scène et l'auteur. Je crois que vous avez appelé ça pour rendre compte de notre époque, ce qui n'est pas toujours chose aisée, parce qu'il ne faut pas être dans l'hyper-réalisme. Il faut garder malgré tout une distance par rapport à ce que sont les faits d'actualité de notre société. Je crois que vous avez appelé ça la politique poétique. Quelques mots à ce propos. Tout à fait. On a appelé ça comme ça parce que finalement, forcément, d'une certaine manière, on abordait à travers cette interview des questions très politiques de notre société. Et en même temps, comme nous, on n'est ni sociologue, ni anthropologue, ni tout ça, on est juste des artistes, des poètes pour Philippe et metteur en scène pour moi. Donc il fallait qu'on trouve à chaque fois des angles artistiques pertinents pour pouvoir rendre compte de ces états du monde, si je puis dire. Et que notre interprétation... Ça était interprétation. Et n'était ni une interprétation ni dogmatique, ni une espèce de façon de... Voilà, il vous faut penser ça absolument. Donc c'est notre vision à chaque fois, tout en réutilisant finalement ce qu'on a pu collecter à différents moments, quoi. Oui. Alors ça s'est passé, comme vous l'avez dit il y a un instant, pour les premières expériences dans le bassin de Forbach, par exemple. Ouais. Alors sur Forbach, on avait travaillé autour d'une légende qui était que les mineurs étaient interdits d'en faire parce qu'ils avaient gratté dans la tanière du diable. Mmh. Après, À partir de là, on a interviewé des gens et on a fait écrire on a écrit des contes. Mmh. Voilà, autour de témoignages de vie, quoi, pour pouvoir justement dépasser aussi le côté juste rendu brut et... Oui, parce que c'est vrai que quand on parle de collectage de témoignages, vous avez eu recours, je crois, à des ateliers d'écriture et de théâtre, donc ce qui pouvait peut-être plus facilement libérer la parole. Oui, je pense que d'une certaine manière, de trouver des façons par des jeux d'écriture ou par des jeux théâtraux, de trouver une façon de libérer l'expression, de trouver une autre façon de se raconter, une autre façon de voir les choses que des personnes ont pu vivre, traverser. Par exemple, avec les compagnons du Maüs, à Forbach, on travaillait sur les contes de la mine. Ils avaient travaillé sur la symbolique de qu'est-ce que c'est que de descendre et de remonter. Alors, par rapport à les contes de la mine, ben, forcément, c'était intéressant, mais aussi par rapport à des gens qui se retrouvent en foyer de vie chez les compagnons du Maüs. Et c'est aussi intéressant de savoir qu'est-ce que c'est que finalement, dans sa vie, de chuter et de remonter, quoi. Mmh. Alors là, c'est un travail qui va dans la continuité de vos précédentes expériences. Cette fois-ci, l'action ou la situation est celle où vos héroïnes, cette fois-ci, ce sont des caissières, ouais. D'où Lost in the Supermarket. Juste d'un mot, malgré tout, vous avez emprunté ce titre, je crois, à un univers musical qu'on a bien connu pour les plus anciens d'entre nous, fin des années 70, les Clash, c'est bien ça ? Alors, pour Lost, alors on n'est pas parti directement pour construire le texte de Lost, Philippe n'est pas du tout parti à partir d'interviews. C'est plus un résultat de toutes ces années de démarche et par rapport à un espèce de tissu social qu'on a pu traverser et visiter. Mais il n'y a pas eu d'interview particulier de caissière de supermarché ou de gens. Ça s'est fait différemment. Et tant qu'à l'allusion à la chanson des Clash, c'est que moi, Philippe, Franco Manara, le compositeur, on est de cette génération où nous étions au concert des Clash à la fin des années 70 et nous sortions de ces concerts avec cette espèce d'impression que le monde avait changé quand nous avons pu les voir à différents moments. Et cette espèce de sentiment un peu naïf, un peu adolescent, on avait dit que ce serait quand même assez rigolo d'arriver, de trouver une façon de le retranscrire aujourd'hui sur un spectacle, avec maintenant, nous, la maturité qu'on peut avoir d'hommes et le regard qu'on peut porter sur et ce type de musique et sur le monde. Quoi. C'est un croisement de ça, quoi. Et au début, on ne savait pas comment appeler notre projet. Et on l'a appelé, c'est vrai, on l'a appelé naïvement Lost in the Supermarket. Et finalement, on lui a gardé ce titre-là, quoi. Mmh. Voilà. Le thème qui s'impose dans votre nouveau travail, dans cette pièce, Lost in the Supermarket, c'est d'abord plus le principe d'une comédie musicale, peut-être, pour situer le genre. Oui. Alors, c'est une comédie musicale. Alors, c'est pas une comédie musicale du type hollywoodien, hein, parce que c'est plutôt une comédie musicale, un peu une façon dont nous on a réinventé le genre. C'est-à-dire que au départ on voulait travailler sur la colère, sur la révolte, sur la désobéissance. Ces sentiments-là. Et finalement, quand on est en colère, quand on pousse un bon coup de gueule, finalement, chanter n'est pas très loin. Et, ou quand on se plaint, ou quand aussi chanter n'est pas très loin. Et c'est à partir de là que nous, on a basculé vers la comédie musicale, en se disant que finalement, chanter, c'était aussi une façon d'exprimer plein de choses, plein de sentiments, et qu'à travers ça, ça serait vraiment intéressant justement de trouver une formule bien à nous, dans cette matière chantée. Et du coup, j'ai demandé à Franco Manara de se joindre très tôt à l'écriture de Philippe pour pouvoir composer la musique. Et ce que je lui avais demandé, c'est de composer surtout des mélodies. Je voulais que, puisqu'il est dans notre histoire, il est question d'un casse, et je voulais que le casse des spectateurs, c'est de pouvoir partir du théâtre avec des chansons dans la tête. Et des mélodies, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé le travail sur Lost, d'abord à la Chartreuse, et puis à Villeneuve-des-Avignon, et puis ensuite, on a poursuivi voilà, petit à petit jusqu'à la création, quoi. Juste, c'est un court résumé, mais je pense que l'image est forte pour raconter l'histoire qu'on va pouvoir découvrir sur scène. Au milieu des promos sans rêve de promotion, elle prépare l'ultime répétition de ce qui sera le casse de leur siècle. Il est voilà. Question de 10 caissières, ouais. Donc c'est que des interprètes féminines pour le coup. Et dans le choix de ces interprètes, elles sont à la fois comédiennes, chanteuses et danseuses, car la base de votre travail, c'est à la fois certes le travail du théâtre, mais c'est aussi une place essentielle à la musique et à la danse. Alors j'ai oui tout à fait, puisque dès lors qu'on était rentré dans le domaine de la comédie musicale, il était forcément la danse était forcément rentrée dans l'action. En plus, comme il y avait tout un travail aussi qui m'intéressait, c'est que autour de la du geste du travail, la gestuelle du travail, donc j'ai fait appel à un chorégraphe, Farid Berki, qui est venu faire un travail chorégraphique avec les comédiennes pour pouvoir mettre en mouvement différents tableaux du spectacle. Ce qui a permis de travailler sur les trois couches qui font une comédie musicale, c'est-à-dire le théâtre, la danse et le chant. Et c'est trois parts égales qui doivent s'imbriquer les unes dans les autres sans que ça soit au détriment d'une ou d'une autre, quoi. Et sur le plan musical, on est entre le rock, ça s'impose pour le coup, oui, mais pas seulement. C'est du rock, en même temps c'est du rock revu un peu à la sauce d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une restitution d'un rock des années 70. On a retravaillé sur ces énergies-là, sur les énergies qui avaient pu être notamment l'énergie des Clash à une certaine époque. Mais après, on n'a pas fait une espèce de copie conforme de ce qui se faisait à cette époque-là. En même temps, parce que les choses ont évolué, le monde a évolué, le monde de la musique aussi a considérablement évolué, la façon comment on fait de la musique a considérablement évolué. Et donc le compositeur Franco Manara a pris aussi toutes ces choses-là en compte, quoi. Il est question de transgression naturellement quand on parle de révolte, de désobéissance, mais tout ça traité, j'imagine, je suppose, avec une forme d'humour décapant. Oui, c'est-à-dire que c'est une comédie. Moi, c'était un de mes soucis. Je voulais, puisqu'on abordait des choses comme ça entre guillemets de société sur la consommation, sur le travail, sur l'exploitation, sur l'aliénation du travail, mais je voulais que l'ensemble reste aussi une comédie, que ce soit une chose aussi où on puisse en rire, où on puisse aussi passer un moment généreux de théâtre, quoi, une chose qui soit une chose ample et accessible à tous, quoi, que ce ne soit pas dans un espèce de discours didactique par rapport à ces thématiques-là. Donc d'où aussi le souci d'en faire une comédie, quoi, d'en faire un spectacle qui soit ouvert à un très large public et qui puisse ou le rire ou l'émotion ou toutes sortes de sentiments puissent avoir sa place, quoi. Les neuf femmes, en réalité, c'était aussi par rapport à la provocation. C'est-à-dire qu'un jour, Philippe m'a dit, l'auteur, me dit, mais tu sais, finalement, la plus belle provocation qu'on pourrait faire, ça serait neuf mères de famille qui abandonneraient mari, enfant, maison et qui partiraient en prenant la caisse du supermarché dans lequel elles travaillent, quoi, la veille de Noël. Elles sont neuf et pas dix, comme je l'ai dit tout à l'heure. Non, elles sont neuf, elles sont neuf, ouais. Elles ont été 10 à un moment donné, puis pour des histoires de dramaturgie, un rôle qui s'est fondu dans les autres, quoi. Voilà. Voilà. Et c'est 9 femmes qui s'élèvent dans la révolte. 9 femmes qui... ça aussi, c'est une chose qui était pour nous très importante, de ne pas faire des personnages qui soient des caricatures de caissières de supermarché, mais vraiment que ce soit 9 femmes que la colère, que la révolte, que leur projet commun grandisse et embellisse, quoi, finalement. Merci Laurent Vacher. 4 représentations avec la supplémentaire que vous avez annoncée en début d'interview, 19, 20, 21 et 22 février prochain, au Théâtre des Arts à Cergy Préfecture, Cergy Centre, à l'affiche de l'Apostrophe, la scène nationale. Merci à vous. Alors oui, une supplémentaire annoncée, comme on vient de vous le dire, le vendredi 22 février à 19h pour ceux et celles qui souhaiteraient assister à ce travail, à ce spectacle. Spectacle qui, eh bien, pour l'Apostrophe, donne l'occasion aussi de montrer que la scène nationale n'est pas simplement un lieu qui présente, qui diffuse des spectacles, mais la scène nationale s'implique très directement, en particulier dans cette création, puisqu'il s'agit d'une coproduction, Jean-Joël Le Chapelain. Oui, enfin, j'espère que beaucoup aujourd'hui savent que nous ne faisons pas qu'accueillir des spectacles, n'est-ce pas, que ce ne sommes pas un garage à spectacles. Alors, c'est mieux de le dire. Oui, il y a des mauvaises langues qui réduisent la vie des théâtres publics à ce lieu de passage, dans la mesure où, en effet, une scène nationale a pour vocation d'assurer une diffusion des œuvres qui sont créées dans ce pays et bien au-delà. Mais évidemment, le sens de la relation qu'il y a avec les artistes se concrétise dans des accompagnements plus ou moins forts selon les projets et selon les besoins des artistes et selon aussi évidemment les moyens du théâtre, se concrétise donc dans des projets de réalisation, de création comme celui-ci. Alors Laurent Vacher n'est pas un artiste inconnu des amateurs de théâtre à Cergy Pontoise, puisque nous l'avons accueilli à plusieurs reprises. C'est un garçon qui a un sens de la découverte des auteurs un peu particuliers. Il avait notamment présenté chez nous des œuvres de Rémi DeVos ou de Spiro Simone, un autre auteur contemporain italien. Mais c'est la première fois qu'il s'attaque chez nous, en tout cas. D'ailleurs, je ne sais plus s'il a fait d'autres projets comme cela, musicaux, en comédie musicale, mais la première fois qu'il monte un projet comme celui-là, et cette proposition m'avait séduite il y a pas mal d'années, parce qu'il a mis assez longtemps à monter la production, ce qui est l'un des problèmes aujourd'hui des artistes pour concrétiser leur projet, compte tenu des réductions de moyens un peu partout et des grandes difficultés qu'ils rencontrent, ces artistes. Et donc, on est sur ce projet depuis plusieurs années. On l'a d'ailleurs accompagné en production. Et le lien avec cette équipe est assez intéressant parce que il vit et travaille, il le disait dans l'interview, à Lancieul, Frouard, ces villes minières de l'Est de la France qui ont été frappées de plein fouet depuis maintenant plusieurs décennies par la reconversion industrielle française. Enfin, on dit reconversion, mais en tout cas la mutation, on ne sait pas vers quoi ça mute, mais en tout cas vers l'abandon en tout cas de ces modes industriels. Et donc il a inscrit le travail de sa compagnie là-bas dans cette région. Et il travaille beaucoup avec les populations locales, il est en résidence, il a des lieux de travail et il a des équipes sur place qui sont en correspondance, malgré le panorama que je décris, avec ce que peuvent vivre des citoyens ou des travailleurs dans des villes de banlieue ou dans des unités plus grandes, des unités urbaines plus grandes. Et donc cette relation et ce passage de l'un à l'autre comme ça permet de créer un spectacle qui finalement a une certaine universalité. Ça touche un peu tout le monde. Et puis c'est traité sur le mode, comme l'évoquait Laurent là tout de suite, de la comédie, puisque on évoque une situation évidemment assez improbable où des femmes lustrer tout par-dessus bord pour piquer la caisse du supermarché et aller je ne sais où. Mais justement, ça évoque aussi le ras-le-bol dans lequel peuvent être un certain nombre de gens vivant dans une précarité de plus en plus grande. Et peut-être une part de rêve, ce que chacun peut avoir en soi. Après tout, voilà, il faut se laisser aller comme ça à des pulsions. Alors, juste précision. Oui, enfin, sur ce sujet, se laisser aller à des pulsions, mais ce qui est beau là dans le projet, alors en dehors de l'aspect musical et de la mise en chanson, finalement, c'est pas si fréquent qu'on porte des sujets sociaux en chanson, c'est la question de la collectivité. C'est l'idée selon laquelle, face à une société très individualiste dans laquelle nous sommes, évidemment, aujourd'hui, et tout le monde le sait, eh bien, il y a cette idée que le collectif, le partage ensemble, ne serait-ce que pour des actions telles que celles imaginées dans le spectacle, eh bien, donne une cohésion, une force. Et au lieu de détruire l'individu, le travail collectif renforce les personnalités. Et c'est ça qui est assez beau à soutenir, il me semble. L'une de ses précédentes pièces, c'était, on en a parlé tout à l'heure, « Pas si passé que ça », réalisée dans le cadre du bassin des aciéries, ancienne aciérie de Nancy, avec ce récit de la vie des ouvrières de ce bassin. Et ça avait donné lieu justement à l'enregistrement d'un disque qu'on peut se procurer dans la région de Nancy encore aujourd'hui. Peut-être indiquons qu'il y a eu déjà un premier rendez-vous avec les habitants de Cergy-Pontoise, c'était le 10 janvier dernier, et qui a démontré effectivement l'intérêt fort des habitants pour ce type de travail. Des habitants et du public qui est tout à fait, en effet, à l'écoute. C'était une répétition publique. C'est cela, oui, qui est à l'écoute de tous ces modes chantés, voilà, musicaux et chantés. Alors, comédie musicale, c'est un couple un peu magique quand même, on doit le dire, et c'est plutôt intéressant à savoir. Et en même temps, qu'il y avait cet intérêt pour la musique, il y avait l'intérêt aussi des spectateurs pour les répétitions publiques, puisque c'est un exercice que l'on demande aux artistes créateurs qui font des créations dans la saison de faire régulièrement. Et donc c'est la porte ouverte à une répétition. Alors, ce qui est intéressant, c'est que selon la personnalité des artistes, ils traitent la chose de façon différente. Certains, comme Olivier Dubois, par exemple, l'été dernier, ils ont enfilé complètement le spectacle qu'ils présentaient 3 jours plus tard à Avignon. Voilà, donc c'était vraiment le spectacle auquel les gens ont assisté. Et d'autres, comme Laurent, par exemple, il a plutôt choisi des séquences resituant le... Voilà. Mais en tout état de cause, à chaque fois, c'est l'occasion pour le public, finalement, d'entrer dans un processus de création qui est tout à fait mystérieux, malgré tout. Hein. Alors, parce qu'on voit souvent l'artiste comme une espèce d'être un petit peu agité de je ne sais quelle tension ou préoccupation, mais un petit peu en dehors du monde. Mais les artistes, ils sont quand même... les pieds sur le plancher des vaches, comme on dit vulgairement. Et donc, ils sont en relation, ils mettent en relation, dans ces instants, quelque chose de mystérieux, qui se dévoile un petit peu, mais qui, en même temps, donne des clés d'explication sur la réalité et la dureté de ce travail, quand même. Spectacle à l'affiche du 19 au 22 février, avec la séance supplémentaire, comme on l'indiquait, pour le vendredi 22 février à 19h, Lost in the Supermarket, de Laurent Vacher, sur un texte de Philippe Malone, c'est à voir à l'apostrophe, Théâtre des Arts à Cergy Centre. L'heure et le temps est venu de la première pause musicale proposée par Jean-Joël Le Chapelain. Le choix. Alors c'est Avishai Cohen qui est un contrebassiste israélien que nous avons reçu à Cergy-Pontoise dans le cadre de Jazz au Fil de l'Oise l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus exactement, je confonds, mais en tout cas il a été vu et apprécié par de nombreux amateurs de jazz, et c'est véritablement un artiste assez exceptionnel qui sait s'entourer, comme vous allez l'entendre, de beaux interprètes aussi. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Yeah. Prochainement, à l'affiche. Prochainement à l'affiche, eh bien, très simplement, le projet ce qui sera sur scène, pour le coup, le vendredi 1er mars prochain, à la scène nationale sur Théâtre des Louvrais à Pontoise, pour à l'affiche toujours de l'apostrophe. Le spectacle, il s'agit de Plage ultime, sur une écriture, une mise en scène de Séverine Chavrier, qui est notre invitée. Bonjour Séverine. Bonjour. Alors, spectacle d'abord qui a été créé au Festival In d'Avignon 2012, donc une création reste en dehors d'être en charge de l'écriture et de la mise en scène de spectacle, vous êtes également comédienne, musicienne, je lisais avec intérêt votre petit parcours avant d'être sur scène, de formation en lettres et en philosophie, des études de piano et d'analyse musicale, en passant par différents et nombreux stages pratiques sur les planches, vous avez eu aussi des compagnonnage artistique avec des artistes comme on aime assez bien sur l'antenne de RGB, je pense à Rodolphe Burger, François Verret ou bien encore Jean-Louis Martinelli côté théâtre, tout en dirigeant une compagnie qui s'appelle La Sérénade Interrompue. C'est un prélude de Claude Debussy qui s'appelle comme ça. Donc la musique se vous envahit de manière permanente en quelque sorte. Un petit peu, je pourrais même dire que... Elle vous habite. C'est ma base, mon retrait, mon... Ouais, et puis aussi, on pourrait dire que je fais du théâtre pour faire de la musique aussi. Donc, enfin, il y a une musicalité commune, disons, dès qu'on a un plateau et un public, enfin, un temps commun. Et du coup, je trouve que tout est finalement très musical. L'image, la lumière aussi peut être très musicale. On peut parler de la lumière avec musicalité. Et le jeu de l'acteur aussi, je pense. Vous allez parler de Plage ultime, une pièce librement inspirée des romans d'anticipation de James Graham Ballard. Pourquoi avoir choisi cet auteur ? J'ai découvert Ballard avec donc son roman un peu culte qui est Crash, que vous avez peut-être. Donc Cronenberg avait fait une adaptation qui l'a rendu un peu plus populaire. Il dit lui-même que il a été très difficile de sortir en fait du roman du 19e, très introspectif. Et en fait, si on cherche à mettre quelque chose à la scène qui pourrait parler un peu de notre monde tel qu'on le voit nous de notre petit regard, j'aime bien ce qu'a dit Laurent Vachet sur le fait que on n'est que des artistes et qu'on essaie juste de parler de l'endroit où on est sensible, où on vibre, disons, on essaye de porter ça avec nous et d'espérer que ça rencontre quelques autres solitudes. Ballard, lui, dans ce souci de créer des fictions, en fait, ce qu'il appelle la science-fiction d'anticipation, c'est-à-dire des fictions sur une anticipation très, très courte, c'est-à-dire en fait il dit que c'est ici et maintenant qu'on est déjà dans la science-fiction aujourd'hui. Et donc il crée des petites fictions un petit peu extrêmes pour situations extrêmes, il appelle ça. Et en lisant ses nouvelles ou ensuite ses derniers romans qui parlent plus de la société consumériste ou la société de loisirs ou... que Crash, qui était vraiment basé sur l'anxiogène des technologies et la violence à laquelle on s'expose dans un monde comme ça, de la vitesse et de l'hyper technologie, il réussit en fait à nous, je trouve, à nous faire penser d'une manière un petit peu atypique, c'est-à-dire par la fiction, en fait, on décolle un peu du réel et on se dit « Ah oui, d'accord ». Donc ce sont des sortes de prémonitions. Et je trouvais que par son humour et par sa qualité de regard, il y avait quelque chose de très théâtral dans ses propositions. Quand vous faites référence à ses livres, à James Graham Ballard, il s'agit, vous l'avez cité, Crash, Sauvagerie, Millennium People, qui ont été un peu la source de votre travail. Oui. Alors crash, donc c'est un peu une apologie du corps blessé. C'est des gens qui s'érotisent dans des accidents de voiture, donc c'est très particulier. Mais sauvagerie, c'est l'histoire d'enfants comme ça de classe très aisée qui finalement se mettraient en réseau et finiraient par tuer leurs parents, par un peu par désœuvrement et surtout pour avoir un espèce de choc émotionnel. Alors je ne sais pas si ça rejoint le collectif dont vous parliez tout à l'heure à propos des projets de Laurent Vachet, mais il y a quelque chose de comment sortir d'une espèce de noria d'affectivité et de bons sentiments et de tout bien, tout beau, tout rose. Il dit dans les nouvelles comme ça, dans les nouvelles Marina où les classes aisées vivent, il n'y a plus d'adultère parce qu'il y a tellement de caméras de surveillance qu'on ne peut même plus. Donc il y a toujours un fond d'humour noir assez intéressant. Et donc ils tuent leurs parents comme ça sur un dispositif en 5 minutes. Quoi. Donc il y en a une qui meurt électrifiée sur son vélo électrique, etc., etc. Il y a des choses très drôles. Mais l'idée, c'est de montrer qu'effectivement, on cherche un contact, quoi, un choc qui nous permettrait de renouer avec une forme de vitalité. En fait, c'est un peu ça, son grand thème, c'est de dire qu'on a perdu au XXe siècle la vie affective. En fait, c'est le grand cadavre du XXe siècle, et qu'aujourd'hui, c'est des gens qui cherchent, qu'on est tous en train de rechercher le contact ou l'appartenance, ou vous disiez les repères, ou je sais pas, en tout cas je crois à l'appartenance à quelque chose, et que malgré tous les réseaux, etc., on n'arrive plus à rentrer en contact. Mmh. Il y a une autre nouvelle qui avait beaucoup intéressé Einar Müller, de Ballard, qui raconte une famille qui vit donc sur des écrans. Bon, c'est des thèmes aussi très années 80. Et un jour, ils organisent une rencontre. En fait, c'est une famille qui ne vit qu'à travers des écrans. Et ils se rencontrent physiquement, et là, c'est le massacre, parce qu'ils ne sont pas du tout prêts. Donc c'est cette idée de passer à côté du contact qu'on a essayé de retranscrire dans le spectacle. Et puis Millennium People, donc c'est plutôt sa dernière période de création, il est mort en 2009, et ça parle beaucoup donc de la classe moyenne, comment la classe moyenne aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, etc., pourrait en fait se révolter dans une utopique manière de renoncer, en fait. Et ça me faisait penser à ce que vous disiez, c'est-à-dire en fait, peut-être que la nouvelle manière de se révolter pour nous, en tout cas société privilégiée, etc., ça serait plutôt dans l'ordre d'un renoncement que dans l'ordre d'une revendication de quelque chose. En tout cas, un questionnement assurément sur notre monde technologique, parce que quand on parle de science-fiction, quand on parle effectivement de romans d'anticipation, on est effectivement dans ces projections, ces images. D'ailleurs, le mot « image » n'est pas choisi par hasard, parce que pour James Graham Ballard, tout est image, tout est manège et consumérisme morbide. Alors pour autant, quand vous vous saisissez de cette matière et de ces histoires romanesques, il n'est pas question de restituer, de faire une reconstitution scénique de son travail romanesque. Non, c'était plutôt. C'est vrai que il m'a donné des appuis scénographiques, par exemple pour construire l'espace. J'ai voulu qu'il y ait une passerelle qui serait un peu comme une passerelle d'autoroute, où on serait comme ça au-dessus d'une circulation, d'une vitesse dont on ne peut pas se rendre compte si on n'est pas à pied, en fait. Donc il me donne des points comme ça dans l'espace, et puis un matériau commun avec les artistes avec qui je travaille, et après on essaye de recréer, en fait, à partir de cette exigence de penser, des scènes qui sont notre propre regard. Ouais. Moi, j'appartiens à une génération, on nous a dit, donc l'an 2000, ça serait téléportation, etc. Et bon, je vais à la gare, je vois des gens avec des valises. Donc l'exode continue. Enfin, il y a quelque chose, en fait, contre la pesanteur, on peut presque rien. Donc peut-être c'est ça qu'il fallait. Voilà, donc on a porté un peu notre regard. Je suis allée filmer des choses. De notre point de vue, et puis je suis avec des artistes qui viennent un peu d'univers différents. Il y a des gens qui viennent de la danse, du cirque, et aussi de pays différents. Il y a une Russe, un Finlandais, une Espagnole, voilà. Et on a essayé de ensemble montrer entre cette façon dont on, aujourd'hui, je dirais, où il y a presque que deux couleurs possibles, c'est-à-dire soit l'agressivité, soit la docilité, quoi. Et en fait, comment on est enfermé dans cette chose où on n'a plus vraiment accès à notre propre liberté, quoi, parce qu'il y a une immense docilité quand même. Sur scène, il y a un travail d'acteur, cependant, mais les images comme les univers sonores, parce que il est question d'images, mais aussi de sons, d'univers sonores, ils occupent une place tout aussi essentielle que les acteurs eux-mêmes. Je pense, moi j'ai besoin de la musique pour tout, même pour créer aussi des ambiances, et puis pour critiquer, ou au contraire pour concilier, quoi. Et tout à l'heure, il parlait de la mélodie. Il disait, j'ai demandé qu'on écrive des mélodies. Alors, le retour du mélodique, je ne sais pas. C'est aussi peut-être le retour du mélancolique. Enfin, en tout cas, la musique permet parfois de réconcilier et de chercher aussi ce qui manque. Enfin, de montrer peut-être ce qui manque plus facilement. Donc, il y a en fait une partition musicale tout du long du spectacle, quasiment. Mmh. Quelque chose un peu opératique. En fait, et quand vous parlez, quand on parle d'images, elles sont produites sous des formes et avec des supports très différents. Elles peuvent être à la fois fabriquées en direct, à vue, pendant le spectacle. Mmh. Ce sont des images du quotidien qui peuvent être filmées. Et on voit aujourd'hui, nous ici à RGB, on en est témoin tous les jours que les images filmées peuvent être filmées sans même avoir de caméra, de caméscope aujourd'hui avec son smartphone et avec d'autres supports, les webcams qui nous envahissent partout. Ça peut être aussi les images de vidéosurveillance. Tout est prétexte à cette orchestration des images parce qu'effectivement, se baigner dans l'image aujourd'hui, parfois on baigne qu'on risque de se noyer aussi dans ces images. Bah, y avait l'idée justement de, comme Ballard avait été tellement fasciné, lui à l'époque, par l'image plutôt publicitaire et de cinéma, parce qu'il adorait les studios de tournage, tout ça. Je me disais, aujourd'hui, ça correspondrait plutôt effectivement à ces smartphones avec lesquels on peut se filmer tout le temps. Et qu'est-ce qu'on fait de ces images? Est-ce que c'est une potentialité créatrice? Pourquoi pas? Est-ce que c'est plutôt des choses qu'on va archiver, qu'on va jeter? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc il y a toujours quelqu'un qui filme comme ça. Enfin, on se filme beaucoup en direct avec ça. Et on n'a pas parlé de... Il y a un adolescent sur scène qui a 14 ans et qui, en fait, est un peu témoin de ce monde d'adultes. Et c'est lui qui a le plus en charge cette manière de filmer et de poser comme ça un regard filtré dont on ne sait pas trop ce qu'il en pense. Enfin, l'image, c'est aussi une manière de pas se dévoiler. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'est pas nouveau, mais c'est ce que j'aime au théâtre aussi, c'est que suivant comment on cadre dans l'espace, on peut totalement voyager et partir sur une piste de fiction qui n'est pas du tout la même. Donc l'image reste un cadre et reste une chose qui détermine. Il est question aussi pour chaque spectateur de notre ambivalence face à ce monde qui s'organise autour de nous. Parfois on dit on est complètement soumis à ces nouvelles technologies et en même temps on s'en amuse. Beaucoup d'immaturité dans cette relation avec ces nouvelles technologies. On a une part de responsabilité, d'irresponsabilité. Le spectacle nous interroge aussi, nous questionne autour de cela. Ce que j'aime bien, c'est surtout qu'avec ces technologies, il y a une inversion des générations, quoi. C'est-à-dire que le savoir va plus vite chez l'enfant que chez l'adulte. L'enfant. Donc ça j'aimais beaucoup, que c'est déjà une première supériorité de l'enfant sur l'adulte. Il en a d'autres, hein, mais on le met pas forcément en valeur sur tout ça. Donc j'aimais bien que ça soit pris en charge effectivement par le plus jeune et que ça soit lui qui domine cette question. Après, je pense qu'effectivement, on a une sorte d'addiction avec ces technologies et on a une forme d'enfermement. C'est pour ça que j'aimais bien aussi ces smartphones, parce que c'est aussi le téléphone, c'est aussi appeler. Qu'est-ce que c'est appeler quelqu'un? Et c'est son lien. Enfin, aujourd'hui, si le téléphone tombe en panne, on n'est pas bien, on n'est pas... Donc c'est cet objet qui peut être à la fois, en fait, qui est presque notre regard sur le monde est déposé dedans quasiment. D'ailleurs, certains le disaient dans des reportages télévisés récemment, c'est toute notre vie qui peut se retrouver dans cette machine miniaturisée qu'est le smartphone. Et je pense que les nouvelles technologies pour les années à venir vont encore progresser en matière de miniaturisation, voire même de dématérialisation. Alors, est-ce que ça isole? Est-ce que ça met en lien? On a vu quand même que ça avait servi aussi à des choses intéressantes. C'est difficile En tout cas, je pense qu'il y a une grande solitude qui se déploie aussi à travers ça. Et en tout cas, dans le spectacle, c'est ce que j'aime aussi. C'est montrer chaque petite solitude et chaque petit tic et chaque petite addiction qui fait qu'on survit, mais qu'aussi on est tous un peu ridicules à sa manière. Voilà. Oui, cependant, rassurez-moi, il nous reste encore une certaine capacité à résister, non ? C'était justement, Ballard le dit très bien, sur cette histoire de renoncement qui serait intéressant. Et c'est vrai que j'ai essayé de parler d'une capacité à agir et un tout petit peu de ma génération qui est née quand même dans un grand complexe d'une action politique qu'on n'aurait pas su continuer, enfin héritière de 68 et des années 70. Quoi. Et donc sur une sorte d'incapacité à agir politiquement, qui est quand même une chose qui, à mon avis, se partage un peu générationnellement. Donc un espèce de fantasme aussi de ça, et qu'est-ce qu'on fait de cet héritage-là, et comment on le remet en jeu pour essayer de penser de manière un peu plus aiguë, plutôt que d'être nostalgique. Donc il y a aussi une scène, justement, sur la nostalgie, quoi, qui est une forme d'abus de la pensée. Et donc c'est quelqu'un qui parle des années 2010 comme des années 10, comme on en parlera, en disant que c'est formidable, que, etc., etc. Donc dès qu'on est nostalgique, on devient, en fait, on est plus vigilant, quoi. Voilà. Donc c'est un jeu aussi avec le temps, comme ça, tout le temps. Merci Séverine Chavrier. Peut-être un dernier mot concernant le titre, pourquoi Plage Ultime ? C'est une nouvelle de Ballard qui s'appelle comme ça, mais ce que j'aimais bien, c'était que ça pouvait être aussi la plage musicale, évidemment, comme si la musique pouvait encore sauver quelque chose. Et puis j'ai appris qu'en italien, spiaggia ultima, ça voulait dire en fait dernière chance. Donc voilà, est-ce que ça sera notre dernière chance ? Donc c'était toujours d'essayer de rêver cette plage comme une chose où enfin il y aurait une action et une liberté possible. Voilà. Plage ultime, spectacle écrit et mis en scène par Séverine Chavrier, notre invitée. Spectacle qui a été créé au Festival In d'Avignon 2012. Et il est à voir et à l'affiche de l'Apostrophe Théâtre des Louvrées à Pontoise le vendredi 1er mars à 20h30, qu'on se le dise. Souvent, sur cette antenne, on parle de pause musicale. Moi, plus souvent, dans d'autres émissions, je parle justement de plage musicale. Et vous allez nous en proposer une. Oui, c'est une petite intervention musicale que je fais dans le spectacle. Et c'est une chose un peu justement entre la mélodie cassée et l'urbain. Voilà, j'espère que ça va. L'Apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Précisément, d'un spectacle qui lui-même sera à l'affiche d'ici peu de temps, puisque c'est ce vendredi 22 février à 20h30. Il sera à l'affiche de l'Apostrophe au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Il est question de flamenco, mais avec, on va dire, plus qu'une modernité, c'est une dimension très contemporaine. Et c'est Jean-Joël Le Chapelain qui va nous présenter ce spectacle, La Curva. Alors, l'artiste pouvant être là, en effet, puisqu'il est en ce moment d'ailleurs dans une autre création au Théâtre de la Ville à Paris, mais qui n'est pas La Curva, et donc il ne pouvait pas être avec nous, et c'est bien artiste, dommage. C'est... Et cet artiste, c'est Israël Galván. Donc Israël Galván, c'est un artiste espagnol qui a entrepris de rénover l'image du flamenco. Il le fait très bien, d'autant plus que, au-delà de vouloir rénover l'image du flamenco, il veut surtout s'appuyer sur cette tradition de l'Espagne et de ce type de musique et de ce type de danse pour finalement donner à voir sa vision personnelle du monde aussi, puisque, évidemment, on le sait, l'artiste n'est rien, mais l'artiste est tout, puisque c'est l'artiste qui nous permet d'avoir cette provocation qui est tout à fait pacifique sur un plateau de théâtre pour nous permettre d'ouvrir nos yeux et nos oreilles. Et donc, lui, il est dans cette recherche-là depuis plusieurs années. Il a fait des spectacles qu'il fait souvent en solo ou en duo avec un musicien qui l'accompagne, évidemment à la guitare, mais pas forcément seulement. Et puis il conçoit des espaces qui sont véritablement des scénographies complètes, qui sont inventées par quelqu'un qui s'appelle Siki Berando, et qui est véritablement une rencontre assez formidable par rapport à lui, puisqu'il prolonge complètement son propos musical et chorégraphique. Et là, dans ce spectacle, La Curva, qui signifie, sauf erreur, La Curva, la courbe, voilà, je confirme. Il rassemble des personnalités tout à fait étonnantes. Ignès Bacan, j'aimerais bien prononcer le nom, je vérifie. Voilà. C'est l'une des plus grandes voix du chant flamenco. Absolument, c'est le cas. Une musicienne qui est une compositrice, qui est également pianiste, qui s'appelle Sylvie Courvoisier, qui est d'origine suisse et qui a écrit aussi la musique, et puis un interprète dit bobote, n'est-ce pas, on entre là véritablement on rejoint le populaire, n'est-ce pas, avec une appellation comme ça, un diminutif de cet ordre, et qui est un compagnon de route d'Israël Galván, qui lui est véritablement la vedette du projet. Et donc le projet consistant notamment, au-delà de revisiter la musique flamenco, on dirait, hein, flamenco. La musique flamenca, voilà. Le flamenco. Au-delà de revisiter la musique et la danse, c'est de faire un cocktail de ces différentes musiques. Autrement dit, il y a du chant traditionnel, de la musique traditionnelle, de la musique contemporaine, et puis de la musique, j'allais dire, classique, au sens où la musique atteint un certain classicisme au bout d'un certain degré de reconnaissance et d'installation dans le temps. Et donc, le spectacle est un vrai spectacle, ce n'est pas que de la musique ou de la danse, lui est un interprète absolument fabuleux, qui lui-même est musicien, on le voit par exemple jouer, alors, je ne sais plus le terme exact, comment ça s'appelle, il joue de la musique avec ses dents, n'est-ce pas, en jouant les ongles sur les dents, en faisant claquer ses ongles sur les dents, donc il fait une série de rythmes d'accompagnement comme ça, qui sont intégrés dans le spectacle, et donc il donne une vision tout à fait originale de ce qu'est aujourd'hui, ou de ce que peut être, de ce qu'est pour lui, et de ce que peut être une imprégnation de la culture. On vient forcément de quelque part, n'est-ce pas ? Et donc, venant de quelque part, on est porteur de valeurs, au-delà des gènes que qui nous constituent, on est porteur de valeurs, d'esthétique, d'idées, de formes, d'envie, et c'est toutes ces courants que traduit sous son angle très personnel Israël Galván, qui est un phénomène de la scène, il faut bien le dire, mais qui revisite profondément ce genre, bon, que l'on aperçoit souvent comme, n'est-ce pas, genre un peu folklorique, n'est-ce pas, où on voit ces femmes avec des grandes robes. Donc tout ça a disparu au profit d'une épure. C'est un homme, il danse, comme dans beaucoup d'autres numéros de flamenco, évidemment, il danse, et je dis numéro, mais ça n'est pas un numéro, c'est véritablement un spectacle tout à fait construit et qui a du sens par rapport à la vie sociale que nous vivons aujourd'hui, évidemment, et c'est sa grande force aussi de faire cette correspondance. D'ailleurs, Israël Galvan a dit la chose suivante en parlant de ce spectacle, de cette création, la Courvas est née de la nécessité de déstructurer les concerts flamenco, donc on est bien dans la déstructuration par rapport à ce spectacle ou à cette vision un peu folklorique, folklorisante qui domine encore ici et là, quand on va en Andalousie en particulier. Et là, s'il est bien question d'une relation intimement mêlée entre le chant, la musique et la danse, tout ça dans une vision à la fois très contemporaine et en même temps, il dit qu'il a aussi profité de ce travail pour revitaliser certaines pratiques qui étaient un peu enfouies dans la tradition plus lointaine, plus ancestrale de cette danse et de cette culture, car il s'agit d'une culture à part entière. Dernier mot, concernant Bobot, il y a un terme qui est tout à fait révélateur de cet artiste très impressionnant. On dit de lui qu'il est un écuyer du rythme. C'est dire que ça nous donne à voir et à entendre sur scène une relation avec la musique tout à fait originale. Si je peux juste dire quelque chose, moi j'ai vu un spectacle de lui il y a longtemps et il donne vraiment à comprendre en fait l'énergie aussi qu'il y a dans cette musique, l'énergie de trance et collective qu'il y a dans cette musique. On comprend tout en fait et c'est une musique magnifique. Hein, Alors, on va s'écouter quelques instants, extrait du spectacle, je crois que c'est de la bande vidéo, juste comme ça pour vous donner un petit avant-goût. Alors c'est risqué parce que c'est pas la bande musicale enregistrée dans un studio comme il se doit, mais quand même, juste pour vous donner une étincelle de désir. Voilà, extrait de ce spectacle avec au chant Inès Bacan, qui est effectivement, je le confirme, une de ses grandes voix actuelles du flamenco pour la danse et la musique flamenca, pour resituer le propos pour chacun. Peut-être indiquer utilement que ce spectacle sera à l'affiche le vendredi 22 février à 20h30 à l'apostrophe Théâtre des Louvrais à Pontoise et que votre radio locale est partenaire de cette soirée en particulier. Voilà qui est dit. Alors, puisque nous parlions de danse, peut-être quelques informations concernant la leçon de danse animée par Toméo Vergès. Alors en fait, sur deux leçons de danse, Toméo Vergès qui était sur le plateau du Théâtre des Louvrais hier soir à Pontoise avec son spectacle Anatomia Publica, eh bien, fait ce samedi de 14h à 17h une leçon de danse. Alors la leçon de danse est un genre que nous avons inventé. Lorsque les artistes présentent des spectacles, on les invite, certains d'entre eux en tout cas, ce n'est pas systématique, offrir un temps de travail avec les spectateurs, des jeunes, des vieux, de tous âges. Il n'y a pas de critères particuliers pour travailler, pour passer un moment de 3 heures comme ça, physique. Hein, donc évidemment, faut venir un peu en training et pas en costume cravate. Mais en tout cas, c'est un rendez-vous régulier que nous proposons et qui a donc ce lieu ce samedi 16 février. Donc je disais de 14h à 17h. Avec Thomas Vergès. Et puis, puisqu'on y est, dans la prochaine leçon de danse, et la dernière de la saison, sera faite avec Olivier Dubois au mois d'avril, le 21 avril, de 15h à 18h, autour de la présentation de son spectacle Révolution, que nous accueillerons à ce moment-là dans le cadre d'Escale Danse en Val d'Oise. Donc, 21 avril pour Olivier Dubois et 16 février pour ce qui concerne Thomas Vergès, c'est-à-dire dans quelques jours. Merci Jean-Joël Le Chapelain. Il est temps pour nous, c'est bien, de conclure cette émission, ce non sans avoir remercié nos invités, Séverine Chavrier ici en studio pour Plage Ultime à voir pour le 1er mars au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Merci Séverine. Remerciements à Laurent Vacher, metteur en scène de Lost in the Supermarket, à voir du 19 au 22 février au Théâtre des Arts à Cergy Centre, préfecture. Merci évidemment à Jean-Joël Le Chapelain qu'on aura plaisir à retrouver le mois prochain pour notre prochaine émission. Remerciements enfin à Arnaud Vasseur qui pour son aide précieuse à la préparation de cette émission. Dernier mot, concert de jazz avec le saxophoniste Jacques Schwartzbart qui vous proposera une promenade mystique dans sa musique entre jazz, soul et musique afro-caribéenne ce vendredi 15 février à 20h30 à l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise, qu'on se le dise. Pour conclure, eh bien, il est possible de consulter la programmation à venir sur le www.l'apostrophe.net, l'apostrophe tout attaché .net. La billetterie et toutes les informations pour en savoir davantage sur le programme à venir à l'apostrophe, eh bien, je vous donne le téléphone, notez-le, 01 34 20 14 14, 01 34 20 14 14. Rediffusion de cette émission si vous l'avez pris en cours de route ou si vous avez le plaisir de vouloir la repartager, samedi 16 février sur cette même antenne de 9h à 10h. Notre prochain numéro de l'apostrophe l'émission. Rendez-vous pour vous comme pour nous le mercredi 13 mars prochain. Bonsoir à tous. L'apostrophe l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.